Chapitre 4. La maréchale était prête et l'attendait. « C'est gentil cela, » dit-elle, en fixant sur lui ses jolis yeux, à la fois tendres et gais. Quand elle eut fait le nœud de sa capote, elle s'assit sur le divan et resta silencieuse. « Partons-nous ? » dit Frédéric. Elle regarda la pendule. « Oh non, pas avant 1 heure et demie !» Comme si elle eût posé en elle-même cette limite à son incertitude. Enfin, l'heure ayant sonné. « Eh bien, andiamo, caro mio !» Et elle donna un dernier tour à ses bandeaux, fit des recommandations à Delphine. « Madame revient dîner. »« Pourquoi donc ? Nous dînerons ensemble quelque part, au café anglais, où vous voudrez. »« Soit. » Ses petits chiens jappaient autour d'elle. « On peut les emmener, n'est-ce pas ?» Frédéric les porta lui-même jusqu'à la voiture. C'était une berline de louage, avec 2 chevaux de poste et un postillon. Il avait mis sur le seuil de derrière son domestique. La maréchale parut satisfaite de ses prévenances. Puis, dès qu'elle fut assise, lui demanda s'il avait été chez Arnoux dernièrement. « Pas depuis 1 mois, » dit Frédéric. « Moi, je l'ai rencontré avant-hier. Il serait même venu aujourd'hui. Mais il a toutes sortes d'embarras. Encore un procès. Je ne sais quoi. Quel drôle d'homme. » « Oui, très drôle. » Frédéric ajouta d'un air indifférent. « À propos, voyez-vous toujours... comment donc l'appelez-vous cet ancien chanteur, Delmar ?» Elle répliqua sèchement. « Non, c'est fini. » Ainsi, leur rupture était certaine. Frédéric en conçut de l'espoir.